إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد J'avais décidé, بفضل الله عز وجل, donc d'établir ce cours pour aujourd'hui sur un problème de compréhension, en fait, que l'on trouve chez beaucoup parmi ceux qui s'affilient à la communauté de l'islam. C'est un problème qui est récurrent parce que ne pas comprendre ce point de l'attestation de foi fait que l'individu qui n'a pas lui-même compris cela ne pourra pas clarifier ces points-là s'il venait à inviter d'autres personnes à l'islam. Ou vous trouverez des imams qui prêchent les vendredis, qui dirigent les prières, mais qui ne maîtrisent pas le premier pilier de l'islam. Ils ne sont pas capables de l'expliquer comme il se doit aux musulmans. Et on ne parle pas de différents individus qui se jettent dans la prédication sans réellement maîtriser la base de la base, sans pouvoir maîtriser l'attestation de foi de la ilaha illallah et l'attestation de foi wa anna Muhammad Rasulallah. Donc ce cours n'est pas donc spécifié pour détailler les deux attestations de foi, ça on l'a déjà fait walillahi alhamd dans des plusieurs cours que vous trouverez sur le site internet en tapant Radio La Sunna, vous trouverez plusieurs cours détaillés sur cela, sur ce que signifie la ilaha illallah. Il y a même des khotab dessus avec les piliers et les conditions, tout ça c'est détaillé. Moi je veux revenir sur ce point là concernant le terme les deux termes là, la ilaha, comprendre ilaha, comprendre la ilaha dans la première attestation de foi. Que lorsqu'on dit la ilaha illallah, cette attestation de foi qui permet à tout individu qui prononce ces deux attestations de foi de devenir musulman. Mais lorsque l'on bâtit une chose, il faut la bâtir sur un socle correct et ferme. Et l'absence de socle correct et ferme fait que il y a des mauvaises compréhensions qui émanent en fait de ces individus qui n'ont pas réellement compris ce que signifiait la divinité et ce que signifiait l'adoration et ce que signifiaient les deux attestations de foi. Donc, le sens de « il est », lorsqu'on dit « il est », et bon, on ne peut pas trop en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas, mais on va l'encourager à s'éduquer dans la religion, bien sûr. On va essayer de lui montrer, on va essayer de lui clarifier, d'accord ? Mais on doit en vouloir à ceux qui sont imams, et qui se disent imams, et qui prêchent, et qui ne connaissent pas ce que signifie la ilaha illallah. On peut aussi en vouloir à ceux qui font des traductions d'ouvrages, de livres, et qui ne mettent pas la bonne explication de la ilaha illallah. Et on peut aussi en vouloir à ceux qui traduisent normalement le sens des versets du Coran, car le Coran n'est qu'en arabe, il n'y a pas de Coran en français, d'accord ? Ce qui est en français, c'est la traduction du sens des versets. Et la mauvaise compréhension de cela, de vouloir traduire littéralement sans revenir au sens même du verset, on en arrive à des traductions qui sont parfois erronées, qui ne sont pas correctes, comme nous pourrons le voir. Inch'Allah. Cheikh Mohammed Amel Jami rahimahullah, qui était un grand savant de la sunna, avait expliqué dans le Sharh, dans l'explication du livre Qurrat Ayun al-Muwahhidin, qui avait expliqué dans le Sharh de Qurrat Ayun al-Muwahhidin, qui est l'explication de Kitab Tawhid, de l'explication donc du livre sur l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Eh bien, le Cheikh Mohammed Ibn al-Jami rahimahullah avait fait le sharh de celui-là, de sharh de Qurrat Ayun al-Muwahhidin. Eh bien, il avait expliqué le terme ilah, pour que des gens comprennent bien, lorsqu'on dit la ilah, c'est pas juste de dire nulle divinité excepté Allah, ou bien nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah. Il avait expliqué ilah, qu'on traduit par divinité. الإله هو المعبود بحق أو بغير حق. الإله, c'est ce qui est adoré en toute vérité, ou ça peut être ce qui est adoré, hein, المعبود بحق أو بغير حق, ce qui est adoré avec en toute vérité et ce qui est adoré avec fausseté. Donc ça peut être l'un ou l'autre. L'ilah, la définition de l'ilah, la divinité. Donc, si on comprend que l'ilah, ça réfère à ce qui est adoré en toute vérité ou ce qui est adoré avec fausseté, déjà là, on commence à avoir une clarification sur ce qui va venir, inshallah. Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, dans son livre « Aqid Tawhid » à la page 43, il mentionne, lorsqu'il explique sur les deux attestations de foi, il dit concernant « La ilah » il dit « Fala ilah nafi l'istihqaq min siwa Allah lil'ibada ka'inan man kan » donc il dit « La ilah » c'est-à-dire « Nulle divinité » si on traduit par nulle divinité, d'accord, il dit, eh bien, c'est la négation, c'est le fait d'annuler tout mérite à l'adoration pour autre qu'Allah. Et peu importe qui il est ou ce que c'est. Donc, c'est le fait d'invalider tout mérite de l'adoration à autre qu'Allah. D'accord ? Donc la ilah, c'est le fait d'invalider, lorsqu'on dit, quelqu'un veut rentrer dans l'islam et il dit qu'il prononce avec son cœur et avec toutes les conditions que cela requiert, la ilah, ça veut dire qu'il invalide le mérite de l'adoration à autre qu'Allah. Et ça, c'est essentiel que tout musulman maîtrise ce point-là. Donc lorsqu'on dit la ilah, c'est le fait d'invalider le mérite de l'adoration à autre qu'Allah. On invalide le mérite de l'adoration. Je regardais dans le seul but de comprendre la façon de penser et la croyance des associateurs de mouchrikine d'hindous. Et il s'avérait que lorsque eux, ils ont rendu sacré une vache qui broute de l'herbe et qui finit dans un kebab et qu'ils adorent, eux, ils l'adorent, ils le rendent sacré. D'accord ? Ils n'ont pas la même perception que nous dans le sacré des choses. C'est-à-dire que eux, ils le voient sacré. Pourquoi ils le voient sacré ? Il dit que ça, c'est digne d'être adoré parce que le fait qu'on peut porter des choses avec dessus, il nous donne du lait, il nous donne ceci, il nous donne cela. D'accord ? Mais la question, c'est une question, est-ce que, eh bien, cette créature a le mérite d'être adorée. C'est essentiel de comprendre que tous les versets décrivant qu'Allah le Très-Haut a créé les cieux et la terre, qu'il est le seul connaisseur de l'invisible, que seul lui connaît la trahison des cœurs et leur état, qu'il est l'unique créateur de toutes choses. Lorsque vous lisez tous ces versets-là, qu'Allah a créé les cieux et la terre, qu'Allah a créé, qu'Allah a créé, qu'Allah se connaît, qu'Allah connaît l'invisible, qu'Allah est le seul qui connaît l'invisible. Ce n'est pas pour prouver cela à celui ou celle qui lit le Coran, mais plutôt pour les faire réaliser que s'ils savent que l'unique créateur de toutes choses est Allah le Très-Haut seul, et que tout en dehors de lui est créature, lorsqu'ils réalisent cela, alors cela devrait les mener à n'adorer qu'Allah seul, et de ne pas commettre l'injustice qu'est l'associationnisme. Car l'injustice, c'est quoi en fait? L'injustice, c'est de placer une chose en dehors de sa place véridique. En dehors de sa place véridique, en dehors de sa place méritoire. D'accord? C'est-à-dire que c'est ça l'injustice. Tel qu'Allah Azza wa Jal mentionne dans, par exemple, sourate Al-An'am, où Allah Azza wa Jal dit الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمْ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Mais quiconque d'entre eux, donc ceux qui croient et ne mélangent pas leur foi, d'accord, الَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui croient et ne mélangent pas leur foi, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, qui ne corrompent pas, qui ne mélangent pas leur foi avec quelque injustice que ce soit, ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés. Donc, l'injustice, ici, a été expliquée dans ce verset par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a expliqué à ses compagnons, qui ont réagi en lui questionnant, mais qui donc d'entre nous ne commet pas d'injustice? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, n'avez-vous pas entendu la parole de cet homme vertueux, yani Luqman alayhi salam, recommandant à son fils, vous le trouvez dans sourate Luqman, qui a dit à son fils, ya bunay la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Oh mon fils, n'associe rien à Allah, certes l'associationnisme est une énorme injustice. En effet, car l'individu qui commet l'associationnisme, c'est-à-dire qu'il va vouer un acte d'adoration qui est réservé à Allah, dont seul Allah le mérite, il va le vouer à autre qu'Allah. D'accord ? Il va donc associer à Allah. Eh bien, celui qui commet l'associationnisme a déplacé l'adoration de sa place véridique et méritoire, qui doit être voué à Allah, vers une place qui n'est pas la sienne. D'accord ? Eh bien, il a commis une injustice. D'accord ? Et l'associationnisme, c'est la plus grande des injustices. Donc, on comprend que lorsqu'on lit le Coran, donc, ce n'est pas le fait de lorsqu'on lit que Allah خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش, il a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est élevé au-dessus de son trône. Donc ce n'est pas pour prouver aux gens que c'est lui qui a créé. Les kofars, les associateurs, les ennemis d'Allah, tous savent que c'est Allah qui a créé toutes ces choses-là. Et Allah nous le prouve clairement, nous le montre clairement dans le Coran, lorsque il mentionne, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de questionner les associateurs. « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Et si tu les questionnes, qui a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune, ils répondront, c'est Allah. Donc ils n'ont jamais renié que c'est pas Allah qui a créé. La da'wa des prophètes est envoyée, on doit comprendre ça clairement. Ce n'est pas d'essayer de convaincre les gens de croire qu'Allah est le créateur. Celui qui croit cela n'a rien compris. Il n'a rien compris de ce qu'il lit. Lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne que c'est lui le créateur, ce n'est pas pour te prouver, mais c'est pour que tu réalises le fait que, étant donné que seul lui est le créateur, alors seul lui mérite tout acte d'adoration. Beaucoup de personnes, je disais, s'affiliant à l'islam, considèrent que les termes « la ilah » que l'on traduit par « nulle divinité » signifie que l'on renie toute existence d'autres divinités en dehors d'Allah le Très-Haut. Et si je vous dis ça, c'est parce que Il y a plus d'une dizaine d'années, quand je faisais un cours dans une mosquée en France, quand j'étais en France, j'étais en train d'expliquer en fait les deux attestations de foi. J'avais commencé avec le but d'envoi des messagers, et puis ensuite j'avais expliqué les deux attestations de foi. Et quand donc j'avais commencé avec la première attestation de foi, et je commençais à détailler avec les preuves du Coran et de la Sunna, Alhamdoulilah, je leur disais que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, c'est que on ne reniait pas l'existence de ces divinités, mais on reniait le mérite de ces divinités d'avoir un quelconque acte d'adoration. C'est le mérite de l'adoration qu'on renie. Parce que une statue qui est une statue, n'est pas une divinité. Elle devient une divinité si un individu X se met à vouer un quelconque acte d'adoration à cette statue. C'est également pour les arbres, lorsque les mouchriquines accrochaient leurs armes sur les arbres, pour rechercher la bénédiction de ces arbres-là, etc. Ils ont, donc l'arbre en lui-même, ce n'est pas une divinité, on est d'accord? C'est un arbre, mais ils l'ont rendu en tant que divinité parce qu'ils se sont mis à lui vouer un acte d'adoration. D'accord? Étant donné que c'est une créature, là, ils ont commis une injustice, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé donc l'adoration qui, elle, ne doit être vouée qu'à Allah, le Très-Haut seul, ils l'ont déplacée vers une créature et donc ils ont commis la plus grande des injustices en vouant un acte d'adoration, en recherchant une quelconque aide, en plaçant une quelconque confiance, en plaçant un quelconque amour comme on devrait le placer en Allah Azzawajal, ou le vouer à Allah Azzawajal. Et donc en faisant cela, ils l'ont rendu en tant que divinité. Une pierre qui est par terre, ce n'est pas une divinité. Maintenant, si une personne se met, les dattes par exemple, les dattes ou les pierres ou... Si quelqu'un se met à vouer un quelconque acte d'adoration envers cette pierre-là, ou bien cette date-là, ou bien peu importe la chose, eh bien, il l'a rendue en tant que divinité. Donc, on ne va pas renier le fait qu'elle est là. Elle existe, elle est là. Mais c'est une fausse divinité. Eh bien, il y avait un frère qui refusait d'accepter cela. Il disait, non, elle n'existe pas. Je dis, Subhanallah. Subhanallah. Allah lui-même a dit dans sourate Maryam, verset 80, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Subhanallah, c'est Allah Azzawajal qui les a nommés divinités. Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'il leur soit des protecteurs contre le châtiment, dans la traduction du sens. Donc Allah Azzawajal les a nommés ainsi. Donc nous, on nomme ce qu'Allah Azzawajal a nommé. On ne va pas inventer de notre tête. Allah Azzawajal les a nommés que ça, ce sont des divinités, mais elles sont des fausses divinités. Ce sont des divinités parce que les gens leur vouent un culte, les adorent, leur vouent un quelconque acte d'adoration qui lui doit être voué à Allah, et bien ils le vouent à cette chose-là. Eh bien, ils l'ont rendu en tant que divinité. Maintenant, la question est là, c'est est-ce qu'elle mérite ou non l'adoration? La réponse est claire que c'est non, elle ne mérite pas l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est une créature. Le seul méritant de tout acte d'adoration, c'est le Créateur, qui est unique, qui est Allah le Très-Haut. Allah Azzawajal a dit, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Alors, j'ai pris délibérément la traduction que vous trouverez partout, là, dans les traductions du Coran, etc. D'accord? Et que vous trouvez même sur le net. Dans Sourate Al-Anbiya, le verset 25. Voyons comment on lit littéralement ce qu'ils ont écrit, hein, d'accord? Je donne pas d'explication. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Moi, je dis que cette traduction n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que le Coran n'est qu'en arabe. Si on traduit le Coran, c'est pas littéralement, c'est on traduit la traduction du sens des versets. Et ici, celui qui a fait ces traductions-là, parce que ça, c'est ce qui est répandu, hein, vous trouverez qu'ils ont tous, soit ils ont copié-collé, ou soit ils ont point de divinité en dehors de moi. Alors, celui qui lit ça, il va se dire que, voilà, il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Le problème ici en Tunisie, on avait eu des discussions avec, avec des personnes sur justement sur le terme ilah. Et c'est vraiment très essentiel et très important en fait de clarifier ça aux gens, parce que à partir du moment où on ne comprend pas cela, eh bien on ne voit plus qu'il y a du shirk. Beaucoup croient que point de divinité en dehors de moi. Donc ça veut dire que, voilà pourquoi, par exemple ce frère-là, il y a 10 ans que je vous racontais, il y a 15 ans, je ne sais plus, je ne crois pas qu'il y a d'autres divinités. Il refusait de croire en l'existence. Elle n'existe pas, il disait. Elle n'existe pas. Donc point de divinité. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'autres divinités, donc il n'y a plus de shirk. Il n'y a plus d'associationnisme. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi ils tombent dans de l'associationnisme. Lorsqu'on leur fait comprendre que ceci c'est de l'associationnisme, pourquoi tu vas au niveau de la tombe de ce wali, hein, qui me disait, non j'y vais, voilà, moi je vais aller voir voilà, dans le cimetière, et puis lui je vais aller voir. Mais pourquoi tu y vas? Pourquoi tu y vas? Cette crainte qu'ils ont dans la prière, il ne faut pas que ça atteigne ce niveau-là, parce que ça devient du shirk akbar, là, de l'associationnisme majeur. Cette crainte qu'ils ont là, le fait de se dire que si je ne vais pas le rendre visite, il risque d'avoir un châtiment sur sa maison, voilà, sur les siens, voilà, je ne sais pas quoi, eh bien ça c'est un acte d'adoration, ce khushur là, c'est un acte d'adoration, cette humilité là que tu as dans la prière et que tu l'exprimes en dehors de la prière pour quelqu'un qui est mort, qui est enterré là, tu as peur, tu mets, subhanallah, eh bien là tu lui voues un acte d'adoration. Donc le fait de dire que, mais non, il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, il n'y en a pas. Se tenir sur cette parole-là en disant il n'y a pas d'autre divinité, eh bien vous ouvrez la porte à l'associationnisme. Pourquoi? Parce que les gens considèrent qu'il n'y a plus d'associationnisme, il n'y a plus de shirk. Il faut vraiment comprendre ce point-là. On ne renie pas l'existence de divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Quelqu'un qui adore Bouddha, tu ne vas pas dire il n'existe pas, il n'est pas là, il n'y a pas de sa statue, elle n'existe pas. Mais les gens, ils sont en train d'adorer cette statue, tu ne peux pas dire qu'elle n'existe pas. Les gens, ils sont en train d'adorer des rats en Inde. Tapez sur YouTube, marquez rats adorés là en Inde. Ils sont en train de voir dans un temple, ils sont inondés de rats, et lorsqu'ils voient un rat blanc, ils disent « Ah, il y a un rat blanc, regarde, il vient vers nous ». Ça veut dire que ça va leur apporter la chance. Et l'histoire dans cela, c'est qu'il disait qu'il y avait une déesse, qui est son fils, il était mort. Donc, a'oudou billah. Donc, ils sont noyés dans le shirk, mais a'oudou billah. Son fils, il est mort. Lorsqu'il est mort, son fils, elle a demandé à alors Dieu, au pluriel. Entre parenthèses, c'est pour cela que on évite d'utiliser le terme Dieu. Vous faites de la da'wah, ne dites pas Dieu. Dites Allah et faites comprendre pourquoi on dit Allah. Dieu se met au pluriel, il se met au féminin. Allah n'est pas une créature, Allah c'est le créateur. Et il ne ressemble en rien à ses créatures. Les créatures peuvent être masculin, féminin, pluriel. Allah le créateur est unique. Il ne ressemble en rien à ses créatures. Donc, utilisez ce que ces individus disent, il n'y a de Dieu que Dieu, mais vous n'apprenez rien du tout aux gens. Et vous trompez les gens, il n'y a de Dieu que Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça ne veut rien dire du tout, je ne cesse de le répéter, ça ne veut rien dire du tout, le fait de dire il n'y a de Dieu que Dieu. En plus, vouloir préférer le terme Dieu parce que vous dites mais non, parce qu'il ne comprend pas. Non, tu lui expliques, tu dis voilà pourquoi nous disons Allah. Et non pas Dieu. Parce que là, ils utilisent D, Dieu, le D, avec un majuscule ou un minuscule. Donc elle, son fils, il est mort, elle a demandé à ses dieux minuscules au pluriel. de lui redonner son fils. Ils n'ont pas voulu, donc elle l'a enterré dans ce temple. Et ce temple-là, elle a dit ensuite, toute sa descendance, ce seront des rats. Donc les gens, ils se sont mis à dire, donc tout ça, ce sont les descendants de elle, tu vois, de son fils à elle, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils sont en train de les invoquer. Le rat, il approche, là, il fait ses excréments, il mange, là, il cherche à manger quelque chose, et il mange même ses excréments. Et puis eux, ils sont là en train de se s'humilier devant cet animal-là qui pue et tout, et puis en train de lui dire, donne-moi et puis ramène-moi-le. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas dire qu'elle n'existe pas. Donc là, ce sont des rats. Vous voyez, on dit, eux, ils sont en train de leur vouer un acte d'adoration, donc ils les ont rendus au rang de divinité. Et le fait qu'ils l'ont rendu au rang de divinité, la question c'est, tout est la question est sur le mérite. Est-ce que ça mérite ou non ? On sait que seul le Créateur mérite tout acte d'adoration. Donc on sait qu'en dehors du Créateur, tout est créature. Donc on sait automatiquement qu'il ne mérite en rien l'adoration, c'est toutes ces créatures-là. D'accord ? Alors, point de divinité, c'est écrit comme ça dans la traduction. Tafsir al-Sa'di, l'imam al-Sa'di rahimahullah dans son tafsir a dit فَكُلَّ الرُّسُلْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مَعَ كُتُبِهِمْ زُبْدَةُ رِسَالَتِهِمْ وَأَصْلُهَا الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَبَيَانَ أَنَّهُ الْإِلَهَ الْحَقَّ الْمَعْبُودُ وَأَنَّ عِبَادَةَ مَا سِوَى بَاطِلَ. Donc il dit, l'imam al-Sa'di rahimahullah dans son tafsir, tous les envoyés qui sont venus avant toi, avec leurs livres. La chose la plus importante, tout est important, mais en termes de degré d'importance, et sa base en elle-même de leur message, c'est d'ordonner les gens, c'est l'obligation, l'ordre à l'adoration d'Allah seul, sans associé. D'accord ? Et clarifier que c'est le seul vrai divinité qui mérite l'adoration et que l'adoration en dehors de lui est fausse. D'accord ? Ensuite, Allah Azza wa Jal, dans Sourate Al-An'am, « إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Dans la traduction du sens de sourate, du verset 19 de Sourate Al-An'am, est-ce-vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités ? Dis, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique. Donc normalement dans la traduction c'est unique qui mérite l'adoration en toute vérité. Et moi, je désavoue ce que vous lui associez. L'imam Sa'di rahimallah a dit dans son tafsir قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ lorsqu'il va expliquer donc, la signification de ce verset, dit il n'y a en réalité, d'accord, il n'y a qu'une divinité unique telle que c'est littéralement écrit أَيْ مُنْفَرَدْ c'est-à-dire seul, unique لَا يَسْتَحِقُ الْعُبُودِيَّ وَالْإِلَهِيَّ سِوَى. Nul ne mérite l'adoration, d'accord, et le caractère divin autre que lui. Nul ne mérite cela. On a bien compris, nul ne mérite cela. Donc ceux qui vouent à autre qu'Allah, ils les rendent en tant que divinité, ils vouent une adoration, et cette chose-là ne mérite en rien. Parce que, comme on avait vu, c'est une créature. كَمَا أَنَّهُ الْمُنْفَرَدْ بِالْخَلْقِ وَالْتَدَبُّرِ. Étant donné qu'Allah Azza wa Jal est unique, que lui seul mérite l'adoration, eh bien, tout comme lui seul est le créateur, lui seul peut créer et gérer toutes les affaires. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِيَبِيهِ آزَرْ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Rappelle le moment où, dans la traduction du sens du verset 74 de Sourate Al-An'am, rappelle le moment où Ibrahim dit à Ezer, yani son père, entre parenthèses, il y en a qui essaient de nommer leur fils Ezr. Ils n'ont pas compris que Ezr, parce qu'ils disent c'est dans le Coran, mais ce n'est pas juste que ce soit dans le Coran, subhanallah. Tu dois comprendre à quoi ça correspond. Donc, alors tu ne vas pas nommer non plus ton fils Abi Lahab, subhanallah. Donc, Ezr, c'est le père de Ibrahim. Le père de Ibrahim, alayhi salam, donc le père, il construisait les statues que les gens adoraient en dehors d'Allah. A'oudou billah. Donc, rappelle le moment où Ibrahim dit à Ezr, son père, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » L'imam Sa'di, rahimallah, dans ce tafsir, dit « Yaqulu ta'ala, wathkur qissat Ibrahim, alayhi salat wa salam, mathniyan alayhi wa mu'adhaman fi hal da'watihi ila tawhid, wa nahi an shirk, wa idh qala li abihi Ezr, atattakhidhu asnaman aliha ?» أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء. Donc il dit, Allah Azza wa Jal mentionne l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam en lui faisant les éloges et en mentionnant l'importance donc de sa da'wa à l'unicité d'Allah et à l'interdiction de l'associationnisme. Lorsqu'il dit à son père Ezr, prends-tu des idoles comme divinité, c'est-à-dire, elles ne sont bénéfiques en rien et ne nuisent en rien. Ça veut dire, et elle ne peut rien faire. Et elle ne peut rien faire. Donc, ni elle ne peut être bénéfique, ni ne peut te nuire, et en plus, elle ne peut rien faire. Inni araka wa qawmaka fi dalal al-mubin. Donc, je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Haythu, abattum, man la yastahiq min al-ibada shay'a. Ça, c'est important, ça, ce point-là, dans le tafsir de l'imam Sa'di, rahimallah. Lorsqu'il lui dit, je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident, c'est-à-dire que, étant donné que vous avez adoré ce qui ne mérite en rien l'adoration, et vous avez délaissé l'adoration de votre Créateur. Vous avez délaissé l'adoration de votre Créateur, de votre pourvoyeur, de celui qui gère toutes vos affaires. Et lorsque vous lisez, nous allons terminer, Inch'Allah, avec ce point-là, Inch'Allah. Dans le verset 138 de sourate Al-A'raf, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. La traduction du sens du verset 138 de sourate Al-A'raf, et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, ô Moussa, désigne-nous une divinité tout comme ils ont les leurs. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Et lui-même Sa'di rahimallah dans son tafsir a dit, jawazna bi bani Israil al-bahr ba'da ma anjahum Allah min aduwwihim fir'aun wa qawmihi. Donc Allah azza wa jall leur a fait traverser les enfants d'Israël la mer. Donc voyez comment qu'ils étaient. Ils étaient dans une situation parce que Pharaon et son armée étaient derrière eux. Et ils se sont retrouvés, Moussa alayhi salam, avec les enfants d'Israël, se sont retrouvés en face de la mer. Ils n'avaient pu où aller, quelque part. Ils étaient bloqués par là. Et ils ont dit, ça y est, nous allons nous faire rattraper. Mais Moussa alayhi salam, cette foi ferme et claire et sincère vis-à-vis d'Allah azza wa jal, leur a dit, Kalla. Non, Allah est avec moi. Et Allah Azza wa Jal lui a dit donc de frapper le sol avec son bâton. Et Allah Azza wa Jal a fait que la mer s'est ouverte en deux et ils ont pu traverser. C'est-à-dire que, imaginez l'état de la chose. Allah Azza wa Jal leur a montré ce signe énorme. Où est-ce qu'ils ont pu traverser la mer qui se lève des deux côtés comme ça? Ils ont pu traverser. Et ensuite, lorsque l'armée de Pharaon et son armée ont voulu les rattraper, Allah Azza wa Jal a fermé la mer une fois que Moussa alayhi salam et son peuple étaient saufs. Donc ils ont vu cela. D'accord ? Ils ont vu cela. Et ils ont vu comment qu'Allah Azza wa Jal a fait périr Pharaon et son armée. Fa'atou ay marru ala qawmin yaqufuna ala asnamin lahum. Ils sont passés à côté d'un peuple qui était en train. Alors, on voit bien ici. Ils étaient en train de vouer une adoration à des statues. D'accord ? Ils étaient en train de vouer une adoration à des statues. Ay yuqimuna 'indaha wa yatabarrakuna biha. Ils se tiennent au niveau de cette statue-là et puis ils recherchent la bénédiction au niveau de cette statue. وَيَعْبُدُونَهَا Et ils l'adorent, et ils adorent cette statue-là. Donc là, en le fait qu'ils se mettent à l'adorer, ils l'ont rendu en tant que... Donc vous voyez, on médite sur le verset. Désigne-nous, donc, ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles. Désigne-nous une divinité, subhanallah. On trouve le terme asnem et on trouve le terme ilah. D'accord ? C'est une statue, à partir du moment où ils l'adorent, ils le rendent en tant que divinité. Mais on sait que c'est une fausse divinité parce que c'est une créature. D'accord ? فقالوا من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أي أشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذوها هؤلاء. Donc ils ont dit, de par leur ignorance et leur ingratitude et leur mauvais comportement à leur prophète, envers leur prophète Moussa, après que Allah Azza wa Jal leur a montré les signes dont on a parlé précédemment, ils se sont mis à dire, « Oh Moussa, fais-nous, désigne-nous une divinité, d'accord ? Désigne-nous une divinité comme ils ont leur divinité. » Il dit, l'imam Sa'di rahimallah, il dit, « Ashra' lana, légifère-nous, rends-nous licite. » D'accord ? Que nous prenons les statues en tant que divinité. Comme cela l'ont pris en tant que divinité. Moussa leur répondu, alayhi salam, vous êtes un peuple ignorant. من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره. Il dit le même Saad رحمه الله, et quelle ignorance que celui qui ignore son Seigneur et son Créateur et qui veut lui donner un égal avec, يعني, avec autre qu'Allah. مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, de ceux qui ne peut rien, qui ne détient en rien le bénéfice ni la nuisance. وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا, ni vie, ni mort, ni vie, ni retour. Le retour est yani vers Allah. Ils ne détiennent pas ça, ces fausses divinités. D'accord ? إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرٌّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le verset qui suit de Surat al-A'raf, du verset 139, dans la traduction du sens, le culte auquel cela s'adonne est caduque, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Et l'imam Sa'di rahimallah dit dans ce tafsir, وَلِهَذَا قَالَ لَهُمْ مُوسَى إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرٌّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ إِيَّاهَا بَاطِلٌ وَهِيَ بَاطِلَ بِنَفْسِهَا فَالْعَمَلُ بَاطِلٌ وَغَايَتُهَا بَاطِلَة. Donc il dit, et c'est pour cela que Moussa alayhi salam avait dit, le culte auquel cela s'adonne est caduque, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit le même Sa'di rahimallah, parce que il dit, car leurs invocations envers ces divinités est caduque et fausse et invalide. Elle est caduque, elle ne sera pas acceptée. Parce qu'il ne peut même pas t'entendre, même pas te répondre, il ne peut te bénéficier en rien, il ne peut te nuire en rien. Et cette divinité qu'ils sont en train d'adorer, elle est fausse en elle-même. Elle est fausse. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le mérite de l'adoration. Parce que Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah. Tout en dehors d'Allah est créature. Donc, tous ceux qui se mettent à vouer un quelconque acte d'adoration à autre qu'Allah, eh bien, cela est caduque. Et ce qu'ils adorent est faux en lui-même. C'est une divinité qui est fausse, batila. Donc c'est une divinité parce que les gens l'adorent, d'accord ? Mais elle est fausse, parce que c'est une créature, subhanallah. On va s'arrêter là, inshallah, barakallahu fikum pour aujourd'hui. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.